بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث الأخير الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في Kitab Salat al-Tarawih min Sahih al-Bukhari. Lors du dernier cours, on a commencé l'explication du dernier hadith que al-Bukhari a cité, rahimahullah, dans le chapitre lié à la prière du Tarawih tiré de Sahih al-Bukhari. وَالْيَوْمْ نُكْمِلُوا الْكَلَامْ حَوْلَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبِهِ نُكْمِلُوا Kitab Salat al-Tarawih. Et donc aujourd'hui, on va finir donc l'explication de ce hadith. Et c'est ainsi qu'on va finir donc ce chapitre. Donc concernant le hadith qu'on avait déjà commencé, donc l'auteur qui nous dit Haddathana Ismail, qala haddathana Malik, an Sa'idin al-Makburi, an Abi Salamat ibn Abdirrahman, annahu sa'ala Aisha radiyallahu anha. كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ La chaîne de transmission qui va jusqu'à Abi Salama ibn Abd al-Rahman qui dit qu'il a interrogé Aisha radiyallahu anha comment était la prière du prophète صلى الله عليه وسلم durant رمضان. فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. Donc Aïcha qui répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplissait pas plus que 11 raka'ah durant Ramadan et non plus durant les autres mois. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihin wa tulihin. Il accomplissait 4 unités. Et n'interroge pas, ne demande pas concernant la longueur de ces 4 unités et non plus la perfection de celle-ci. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. Puis il accomplissait encore 4 unités et n'interroge pas concernant leur longueur ni leur caractère parfait. ثم يصلي ثلاثا. Et ensuite il priait 3 unités. فقلت. Et donc Aïcha qui nous dit, alors j'ai dit يا رسول الله اتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ. Ô messager d'Allah, est-ce que tu dors avant de faire le witr? قَالَ يَا عَيْشَ إِنَّ عَيْنِيَ تَنَامَنْ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Aïcha, certes, mes deux yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. في هذا الحديث أيها الإخوة ما يتعلق بالوتر ووقته. Il y a dans ce hadith donc le sujet qui concerne le witr, la prière du witr, ainsi que le moment de cette prière. فالوتر من الصلوات المهمة جدا. La prière du witr fait partie des prières très importantes. Très importantes. Et négligée malheureusement. Cette prière est tellement importante que l'imam Ahmed rahimahullah, il voyait que celui qui délaisse l'accomplissement de cette prière, sa narration n'est pas faite, n'est pas forte. Sa narration n'est pas acceptée. On ne prend pas son hadith. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé Salat al-Witr. Les savants, ils ont essayé de comprendre, mais pourquoi? Alors que Salat al-Witr, ce n'est pas obligatoire. Même selon l'imam Ahmed, rahimahullah, ce n'est pas obligatoire, Salat al-Witr. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que c'est une prière qui est d'une grande importance, avec de grandes récompenses, et que tu peux faire avec une unité si tu veux. Une seule. Il dit donc le fait que l'individu délaisse cela montre elle rafla. Elle rafla. Le fait que cette personne donc soit éloignée donc de ce qui lui est vraiment profitable. Cette personne n'accorde pas d'importance à ce qui lui est réellement profitable. Et à cause de ça, ils vont te dire sa narration, on n'apprend pas. Cela vous montre, oh chers frères, l'importance que nos imams, les imams de la communauté, accordaient à ces actes surérogatoires. ces actes surérogatoires, comme on a pu le voir tout au long du Ramadan, énormément d'actes surérogatoires avec de grandes récompenses. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le witr. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. L'imam muslim, il a cité dans son sahih que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: accomplissez le witr avant de vous retrouver à l'aube. Accomplissez le witr avant de vous retrouver à l'aube. وكذلك أبو داود في سننه أخرج عن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. أبو داود ainsi que d'autres, الترمذي, الإمام أحمد aussi, ils ont cité dans leurs recueils respectifs selon خارجة, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: certes, Allah vous a rajouté une prière. Ça fait partie des adillah, des savants qui voient que al-witr, c'est obligatoire. Mais comme on l'a dit, la vie le plus juste, la vie del jamahir, c'est que le witr n'est pas obligatoire. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: certes, Allah vous a rajouté une prière. Elle est meilleure pour vous que humrinna'am. Humrinna'am, les savants disent ce qui est voulu par là, les chamelles rousses. C'était les biens qui avaient le plus de valeur auprès des Arabes. Et donc, cette prière que tu peux faire en une unité, elle est meilleure pour toi qu'énormément de richesses. Qu'énormément de richesses. Combien de fois tu es là, tu es posé, allez, je vais prier le witr. Allez, ah, mais je suis fatigué, j'ai encore le poulet dans mon ventre là, c'est lourd. Faut attendre, Inch'Allah, ma'alish, plus tard. Et au final, tu te retrouves, ah, c'est l'heure. Le problème, mes frères, c'est que quand tu prends une amende, et que tu sens que ça fait mal à ton compte en banque, que tu vois ton compte en banque, il est passé de telle somme à telle somme, tu vois la différence. Là, tu dis, ah, je ne vais pas refaire ça une deuxième fois. Le problème, c'est qu'avec les hassanat, les gens ne voient pas. Ils ne voient pas les hassanettes qu'ils perdent comme ça tous les jours. Ils ne voient pas. Et donc on est là, on perd des hassanettes. Il y a des hassanettes qui partent. Tu avais l'occasion de prendre des hassanettes pendant Ramadan. Tu es resté à perdre ton temps. Tu avais l'occasion de prendre des hassanettes avec la lecture du Coran. Tu n'as pas fait. Tu es resté avec des vidéos sur YouTube. Hein? En pensant que c'est comme ça qu'on apprend l'islam. Aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois la chaîne d'un tel, ça. Et il y a des gens, ils sont abonnés aux chaînes de tout le monde. Tout le monde, dans la journée, il reçoit 70 messages. Et il va les lire tous. T'as bien appris, au lieu d'avoir lu ces 70 messages-là, tu aurais lu le Coran, ça aurait été bien quand même aussi. Ça aurait été bien. Et donc, il faut qu'on arrive à voir, oh cher frère, ce qui est prioritaire. Elles sont où les récompenses, les meilleures récompenses à prendre? C'est important. Fakulna ya Rasulallah mahi. Alors les compagnons, ils disent: oh messager d'Allah, quelle est cette prière? Ils veulent savoir, eux. Quelle est cette prière qui vaut plus que beaucoup de biens? Ils veulent savoir. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: El witr ma bayna salat al-isha ila tulu' al-fajr. Le witr entre la prière du Isha jusqu'à la prière du Fajr. Question pour nos frères qui vont prier au Luxembourg. Et donc, au Luxembourg, ils font avancer la prière du Isha. Ils rassemblent le Isha avec le Maghreb pour pouvoir prier le Isha ainsi que le Tarawih en groupe. Pour pouvoir prier le Isha ainsi que le Tarawih en groupe. On a déjà vu que les savants, ils ont divergé sur ce sujet. Est-ce que la propagation de l'épidémie et est-ce que le couvre-feu est une cause qui permet donc de rassembler les deux prières? On avait déjà abordé le sujet avec la fatwa de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit qu'il n'y a pas de mal à cela. qui dit qu'il n'y a pas de mal à cela. Tayyib. Donc là, on parle du Maghreb et du Isha, rassembler le Maghreb et l'Isha. Concernant le Tarawih, est-ce que tu peux prier le Tarawih alors que le temps du Isha n'est pas encore rentré ou pas? Hein? Non. Non? Non, parce que par le seul, il a dit la Isha, il a. Ça rend après le hadith, tu viens de dire. Par le seul, il a dit le witr, mais le Isha, il a. Et donc, oui ou non? Ça veut dire par le Isha, c'est l'ordre de l'Isha, on a pas le complètement. Ah, on avait vu ça, les frères. On avait vu cette divergence. Et là, le terme que j'ai cité, ou du moins les termes que j'ai cités, sont une preuve pour les savants qui disent que oui. Tu peux faire le witr, tu peux faire tarawih, alors que le isha, le temps du isha n'est pas encore rentré si tu as déjà pris le isha, si tu as rassemblé. Pourquoi? Parce que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Ma bayna salati l'isha »« Ma bayna salati l'isha wa salati subah » Et donc le witr, c'est entre salat l'isha, entre la prière du isha et entre la prière du subah. Et donc, ce n'est pas entre le temps du Isha, mais c'est entre la prière du Isha. Tu as prié le Isha avant son temps, tu as prié le Isha. Et c'est pour ça qu'intentionnellement, j'ai choisi cette narration ici pour qu'on puisse aborder le sujet. Inch'Allah ta'ala. Donc, on a nos frères qui prient au Luxembourg sans savoir si la prière était valable ou pas. Alhamdulillah, maintenant vous savez, à la fin du Ramadan. Donc, alors, on continue. Fait ayyuha al-ikhwa yanbaghi lil-muslim. Il n'est pas convenable que le musulman laisse passer ce bien. Une raka'a que tu peux faire. Une raka'a et parfois on la délaisse. C'est pas convenable. N'importe qui, il va laisser passer un emploi. On lui donne une opportunité, un emploi avec un gros salaire. Il va te dire non, non, non. Tu as la possibilité de faire Jumu'a, tu es salat à la mosquée, tout avec 5000 euros. Tu vas pas, tout le monde va te blâmer. Tout le monde va te dire, Yahri, pourquoi tu n'as pas fait ça? Subhanallah. Tu as salat, tu as tout, et machallah, en plus tu as 5000 euros. Tu dis non. Et pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour le witr? Pourquoi est-ce que ton frère ne prie pas le witr? Normal, Adi. Adi, comme si de rien n'était. Pourquoi? Ad-dunya. On est encore accroché à ce bas monde. Lakin mahu al-afdol. Cependant, quel est le meilleur moment d'accomplir cette prière du witr? Il faut savoir, les frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli le witr à plusieurs moments durant la nuit. À plusieurs moments durant la nuit. Comme l'a dit Aisha radiallahu anha. أنه صلى الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a déjà prié le witr au début de la nuit, au milieu et à la fin de la nuit. وانتهى إلى آخر الليل. Cependant le prophète s'est arrêté donc le dernier au moment à la fin de sa vie, il priait le witr donc à la fin de la nuit. Et donc quel est le meilleur moment pour prier le witr? Ce sujet, on l'a déjà abordé aussi dans la mosquée. Et on avait déjà vu que le meilleur moment pour prier le witr, pour celui qui en a la capacité, c'est à la fin de la nuit. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Man khafa an la yakuma min al-layli fal yutir awwalahu » Celui qui pense, celui qui craint qu'il ne va pas se lever de sa nuit, alors qu'il fasse le witr au début de la nuit. وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَكُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَ. Et celui qui pense pouvoir se lever à la fin de la nuit alors qu'il fasse le witr à la fin de celle-ci. Car la prière à la fin de la nuit est, donc il y a des témoins qui assistent à la prière à la fin de la nuit. Les anges, on a aussi vu le fait que Allah tabaraka wa ta'ala qui descend au ciel, donc ad-dunya, au ciel le plus bas, qui m'invoque afin que je lui exauce, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne, qui me demande afin que je lui accorde. Et donc, il est clair que ce moment est un moment bénéfique pour accomplir ta prière, la prière du witr. Saïd, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a mis à dire fi al-sahihayn. An Abi Hurairah radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالوتر قبل أن ينام. N'a-t-il pas été rapporté dans Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim, que le prophète صلى الله عليه وسلم a recommandé à Abu Huraira d'accomplir le witr avant de dormir. Avant de dormir, comment tu fais le jama? Comment tu fais pour rassembler entre les deux hadiths? Dans un hadith, le prophète qui nous recommande de faire le witr, il nous dit c'est meilleur celui qui fait le witr à la fin de la nuit. Mais pour son compagnon Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui fait partie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit de faire le witr au début de la nuit, avant de dormir. Comment on fait? Les savants, ils nous disent, Ibn Hajar rahimahullah, il nous cite une des paroles des ulama. Anna Aba Hurairah radiyallahu anhu ba'd al-isha kana mushtaghilan bi hifz wa muraja'ati al-ahadith. Abu Hurairah radiyallahu anhu, après l'isha, il était occupé par la révision et l'apprentissage des ahadith. Wa kana yamurru alayhi juz'un kabirun min al-layl. Et cela lui prenait une grande partie de la nuit. Et il n'espérait pas pouvoir se lever en fin de nuit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé de faire le witr avant de dormir. Parce que ce qu'il faisait à Abu Hurairah radiallahu anhu aussi, c'était un grand bien. Le fait qu'il a fini l'Isha, il va réviser ses ahadiths. Jusqu'à aujourd'hui, on profite de cette révision qu'a fait Abu Hurairah radiallahu anhu. À chaque fois, on vient, Kale Abu Hurairah radiallahu anhu. Kale Abu Hurairah radiallahu anhu. Et donc, cela aussi, c'est important. Il a passé sa nuit dans l'apprentissage de sa religion. Ça aussi, c'est un khir. Mais cela ne l'empêche pas de faire le witr. Cela ne l'empêche pas, cela ne doit pas t'empêcher de faire le witr. Et donc, et c'est ainsi, aux chers frères, qu'on finit ce chapitre. Mais avant de vous laisser, barakallahu fikoum, il y a une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, sur le sujet de la prière du Tarawih. Subhanallah, je voulais ramener le livre et vous lire la fatwa. Mais, khair, inshallah, on va, comme ça au moins, on va citer la fatwa à résumer parce qu'elle était quand même un peu longue. Tayyib, on a vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man sallama imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Celui qui prie avec son imam jusqu'à ce que celui-ci parte, il lui sera écrit comme récompense l'accomplissement de toute la nuit en prière. Il prie avec l'imam une demi-heure, 15 minutes, 5 minutes, peu importe le temps que l'imam a prié. Tant qu'il a fait, il est resté avec l'imam du début jusqu'à la fin pour le tarawih, il lui sera inscrit comme récompense la prière toute la nuit. Tayyib. Ici, à Masjid al-Huda, comment se passe le tarawih? Un imam ou deux, ou trois, ou quatre? Deux. Tayyib. Il y a le premier, il vient écrit. Il fait combien d'unités le premier? Il fait quatre. Le premier, il vient, il fait quatre unités. Ensuite, on a donc notre frère Hussein qui dit, c'est bon, alhamdoulilah, le premier il a fini, il est parti. Alors je pars. Koutibali qui a moulila. Et donc j'ai la récompense d'avoir prié une nuit entière. Parce que je suis resté avec cet imam, c'est mon imam, c'est avec lui que j'ai commencé. Je suis resté avec lui, il a fini, je peux partir, j'ai la récompense toute la nuit. Si je rajoute, j'ai plus encore. Mais c'est bon, j'ai ma récompense toute la nuit. Il y a une personne qui vient, elle fait exprès. Une autre personne qui fait exprès de bien manger entre Maghrib et Isha. Il prend son temps, il arrive en retard. Pourquoi? Parce qu'il sait que le deuxième imam commence à telle heure. Le deuxième imam commence à telle heure. Il dit, je viens avec le deuxième imam et j'ai la récompense d'avoir prié toute la nuit. Et en plus de ça, j'ai fini mon tajine. Tayyib, sahih ou la? C'est correct ou pas? Est-ce qu'ils ont la récompense toute la nuit? On ne dit pas ce qu'ils ont fait, ce qui est mieux. Mais est-ce qu'ils ont la récompense d'avoir prié toute la nuit? Mais personne n'a pensé à le faire. Hein? Pour une interrogation. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit en fait, on regarde. هل كل إمام مستقل عن الآخر؟ Est-ce que chacun des deux imams est indépendant et ne dépend pas de l'autre? أو كل من الإمامين ينوب عن الآخر؟ Ou alors chacun des deux imams remplace l'autre. Et donc ils se remplacent mutuellement. Une fois c'est lui qui commence et une fois c'est l'autre, etc. Ils se remplacent mutuellement. Il dit Cheikh Ibn Uthaymin, الظاهر أنه من باب التبادل. Il dit ce qui est apparent, c'est qu'en fait ils se remplacent mutuellement. Et donc الإمامان لهما مقام إمام واحد. Il dit donc les deux imams, ils ont en réalité la place d'un seul imam. Et donc tu dois faire attention, oh mon frère, à ne pas trop manger et à rester avec les deux imams jusqu'à ce qu'ils aient fini. Et c'est ainsi que tu auras la récompense, Inch'Allah ta'ala, d'avoir prié toute la nuit. Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa arda, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran.